Chez Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Chibougamau, venez voir le F-150 avec la technologie d'aide au conducteur Ford Copilot 360 offerte en option. En plus, le F-150 est équipé du système Pro Trailer Backup Assist qui facilite la marche arrière avec n'importe quelle remorque. Obtenez-le à un taux annuel de 0% à l'achat jusqu'à 84 mois et 4 500 $ de rabais sur les F-150 2020 sélectionnés. Jean Dumas Multiconcessionnaire. Elle nous a fait honneur en remportant une belle victoire sur ESPN mardi soir à Las Vegas. C'était la première fois qu'elle boxait en DA à l'extérieur des États-Unis. On parle évidemment de Kim Clavel. Elle est revenue au Québec. Salut Kim! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Kim, tu as donné plusieurs entrevues depuis hier. Je pense que je t'ai entendu à pas mal toutes les stations de radio. Oui, on a donné pas mal. Oui, c'est pas mal gros. Finalement, ce que tu as fait là, vraiment, là, c'est en fait, j'en parlais avec Bernard Barré mardi. Tu avais une chance en or de boxer sur ESPN. Il fallait pas que tu rates ton coup. Oui, c'était vraiment une chance en or, comme vous dites. Puis, j'ai travaillé fort pour ça. Puis, je pense que d'un certain côté, la chance, je l'ai fait aussi. J'ai travaillé. Puis, je veux pas mal paraître, mais je pense que je le mérite tout ça. Tu sais, fait que je suis très contente. OK. Est-ce que une préparation, parce que là, c'est pas facile là, ce qui se passe. Là. Pour un boxeur ou une boxeuse, une préparation même en confinement même, est-ce que c'est difficile? Ben, c'est pas que c'est difficile, mais faut qu'on s'adapte, faut qu'on soit imaginatif. Le fait que là, le centre Claude Robillard il a réouvert seulement à la fin de mon camp d'entraînement. On a dû s'entraîner vraiment plus à l'extérieur. On a usé d'imagination, fait qu'on est revenu un petit peu dans le old school, le style un peu à la Rocky Balboa, là, les brouettes de roche, des chaudières avec qu'on pesait de la course en montagne. J'ai fait du kayak, du canot, de la natation parce que j'ai la chance d'avoir des entraîneurs qui ont un chalet près d'un lac. On se créerait à Rocky dans Rocky 4 quand il. Exactement! Tu sais, quand il bûchait et il fendait du bois, puis c'était tout qu'un entraînement. Là. C'était à peu près ça comme ben, ça. Ben, mais ouais, ça ressemblait un peu à ça. Comment c'est de boxer aux États-Unis devant pas de monde? Ben, devant pas de monde, on dirait qu'ils ont tellement fait ça quand même grandiose que. Tu remarques même pas tant que ça qu'il n'y a pas de monde parce qu'ils ont mis comme de la fumée, une entrée là, spectaculaire avec des grosses photos, ton nom partout, de la lumière, de la musique, tout le monde, on peut dire, de la régie, les arbitres, les photographes, les journalistes sont comme assis un peu tout autour du ring. Puis la lumière est tellement comme sur le ring qu'autour du ring, on dirait que tu vois même pas. Fait que c'était spécial, c'est une salle vide, mais en même temps, c'était pas trop dépaysant. C'était pas si pire que j'aurais peut-être imaginé. Mais souvent, normalement, à la boxe, surtout que c'est par décision, c'est souvent la foule influence les juges. Là, il n'y a pas de foule. Ça doit faire, non, différent un peu, hein? Ça fait différent. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu entends tes entraîneurs à la perfection, tu sais. Ouais. Il n'y a comme pas de bruit, fait que la voix de tes entraîneurs, c'est comme tu l'entends très, très bien. Tu as juste l'impression que tu t'en vas faire un sparring télévisé, tu sais, okay. Un gros sparring télévisé. Puis que Non, c'était correct. ESPN, c'est Top Rank en fait, mais c'est ESPN, il y a un contrat ensemble. Ils t'ont dit quoi après le combat? Est-ce que tu vas être réinvité? Est-ce qu'on a parlé de ça? Ça, on m'a pas parlé de ça, mais il y a quelques personnes qui travaillent pour Top Rank qui sont venues me voir, qui ont dit félicitations, tout ça en anglais, avec une performance comme tu viens de faire, c'est très possible que tu sois réinvité, tu sais, donc tous tes commentaires ont été très, très positifs, donc la suite des choses, là, ça va vraiment être mon promoteur, Yvon Michel, qui va gérer le tout, qui vont communiquer avec lui, puis... que je vais le savoir par la suite. OK. Dis-moi, dans ta division, là, je t'écoutais hier, c'est au 98.5, dire qu'il te reste à peu près deux combats pour un championnat du monde. C'est-tu une opposition? Tu sais, il n'y a pas vraiment de... Il y a pas de WBA, WBC, IBF comme la boxe chez les hommes, je pense. Oui. Oui, OK, la même affaire, OK, c'est la même affaire, OK, mais j'imagine qu'il y a moins de boxeuses. Donc, c'est quelle division que tu vises le plus, là? Est-ce que c'est d'être mieux coté dans différentes associations ou c'est vraiment un combat que tu mènes le plus vite possible? Là, je suis comme, comment on dit ça, pas à côté, mais je suis... pas loin, voyons. Bien classé, autrement dit. Oui, je suis classé dans toutes les associations. C'est important, ça. WBC, je crois que je suis rendu troisième. WBA aussi, je suis dans le top 10. IBF, je pense que je suis cinquième, sixième. En tout cas, je suis quand même classée dans toutes les associations. Puis j'ai la chance quand même, dans les petits poids en boxe professionnelle, il y a quand même beaucoup de filles. Okay. Donc j'ai une catégorie qui est très profonde, qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de filles, qui a beaucoup de talent. Moi, il y a une championne du monde dans chaque association. Donc c'est une grosse catégorie de poids. Les femmes, les light flyweight. OK, OK. Donc, on a de la place en masse pour boxer, puis il faut. Quand on est arrivé en haut, il faut être prêt. Lequel des trois divisions est la plus accessible pour être champion du monde, d'après, selon toi? Ben, peu importe lequel, moi, je les vise tous. Ouais, mais je veux dire, y a-t-il une qui est. Parce que moi, je suis sûr que c'est nouveau pour moi, la boxe féminine, non, mais. Ouais. D'habitude, il y a toujours une association qui est. Que le champion du monde est plus faible. Est-ce qu'il y en a. Est-ce qu'il y a une co des trois associations, il y en a une qui est plus facile? Tu dirais que tu touches encore du monde, tu sais pas? Je dirais que toutes les associations dans ma catégorie, les filles sont toutes fortes. Non, sont toutes fortes. Les filles qui ont gagné, qui sont championnes du monde actuelles, c'est toutes des filles qui ont un très grand talent, des filles que ce ne serait jamais des filles faciles à battre. OK. Kim, là, il se passe quoi, là? Donc, là, c'est des repos, j'imagine. Tu vas reprendre l'entraînement très, très bientôt, donc septembre-octobre? Avant ça, je te parle d'entraînement, là. Oui, on va reprendre l'entraînement dans 2 semaines à peu près. Okay. Là, on doit faire notre quarantaine. Ouais. Donc, c'est le repos, récupération. Je vais rester active, là, c'est sûr, là, je vais prendre quelques jours de congé, puis après ça, je vais remettre un peu de jogging à mon horaire, histoire de pas rouiller trop, ça fait du bien de bouger, mais on va reprendre l'entraînement assez vite, parce que j'aime ça, puis ça fait partie de ma vie, puis je peux pas être trop longtemps sans entraînement. Okay. Est-ce que tu as eu peur, parce que tu étais infirmière également, on t'a vu travailler durant la COVID ce printemps, as-tu eu peur que de pogner la COVID puis que ça mette fin à ton combat que tu as eu mardi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé? C'est pas quelque chose qui me stressait. Déjà, le fait, avant de partir pour Las Vegas, on venait d'être testé. Ouais. Et avant de prendre l'avion, on avait été tout négatif. Déjà, là-bas, directement en sortant de l'avion, on allait se refaire tester. On était négatif. Puis là-bas, les protocoles sont tellement stricts, là. On était suivis à la lettre, la sécurité, pas le droit de toucher aux poignées de porte. C'est des gens qui ouvrent les portes pour nous. On a un masque, on se lave les mains. On n'a pas le droit d'aller dehors, faut être dans notre chambre. On n'a même pas le droit d'aller dans les restaurants, rien. Faut aller à la cafétéria qui est désinfectée. On touche pas aux ustensiles, on touche à rien. Ils viennent tous nous servir. Donc, les risques de se contaminer là-bas étaient très, très minimes. Donc, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. OK. Dis-moi, en terminant, évidemment, on va se parler du litige. Évidemment, tu es dans le domaine de la santé actuellement, donc tu as sûrement une bonne opinion de ce qui se passe. On sait que la boxe n'est pas déconfinée actuellement. Semble-t-il que les 6 associations, de ce qu'on a pu entendre, ne seront pas tenues au secret qu'il n'y aura pas un vaccin. Il y a du PR actuellement qui se fait de la part d'Yvon Michel et Camille et Stéphane et toutes les associations. On ne veut pas rencontrer même ces associations-là. T'en penses quoi, toi qui es dans le domaine de la santé, qui connais bien ce domaine-là? T'en penses quoi? Oui, moi, je trouve que de déconfiner le soccer, le football, le hockey et ne pas déconfiner la boxe, c'est illogique, dans le sens que 2 personnes testées négatives sur le ring, il y a beaucoup moins de risques de contamination que 20 personnes sur un terrain qui s'assit, qui bougent ensemble, qui sont sur le banc, qui sont dans les mêmes vestiaires. Tu sais, nous, c'est contrôlé. Comment que 2 négatifs pourraient faire un positif? J'ai aucune idée. Je pense que la boxe, c'est un des sports les plus testés, dans le sens que avant de boxer à Las Vegas, j'ai dû faire 10 tests. Test de sang, test de la tête, test des yeux, test de la COVID, test pour ci, test pour... Tu sais, il y a eu plein de tests, une panoplie de tests. Donc, je pense que les deux personnes, quand ils embarquent sur le ring, c'est deux personnes qui sont top santé. Donc, les risques sont très, très minimes. Puis, tu sais, tu as deux entraîneurs qui peuvent être testés aussi. Ça serait facile de faire quelque chose de sécuritaire avec la boxe. Ben oui, c'est certain, à huis clos. À huis clos, c'est sûr et certain. Puis l'UFC, puis c'est toute la même affaire également. Là, le karaté. Si ça se fait aux États-Unis, pourquoi ça ne se ferait pas ici? Ben non, puis ça se fait partout. On est dans la même compétence, exactement. Ouais. Donc, as-tu peur pour la suite de ta carrière? Il arrive quoi si jamais c'est pas déconfiné? As-tu pensé? Parce que là, les boxeurs, Bernard Barré, tu sais, il disait tout le temps, je parle avec Bernard, il dit on va perdre nos boxeurs. Toi, là, s'il faut t'expatrier, est-ce que tu vas le faire? Bon, je le ferais certainement. En ce moment, une carrière de boxeur, c'est pas éternel, hein. Fait que ouais. Quand que ça passe, c'est là qu'il faut qu'on se donne à 100%. S'il faut que j'aille aux États-Unis, j'irai aux États-Unis. J'ai aucun problème avec ça. OK. Kim, un gros merci. Félicitations. Bravo. Puis au plaisir de se parler. Mais merci beaucoup. Voilà, Kim Clavel, bonne journée. Qui a remporté une victoire contre Nathalie Gonzalez mardi à Las Vegas.